Chapitre 3e. Quoique l'on ait beaucoup écrit sur la Guyane française, notre belle colonie est presque inconnue de la métropole, ou plutôt, elle est absolument méconnue. C'est en vain que des voyageurs sérieux, doublés d'écrivains consciencieux, des naturalistes, des administrateurs, des économistes ou des géographes, se sont de tout temps élevés contre un discrédit aussi persistant qu'immérité. Quoi qu'ait pu dire au siècle dernier le grand et modeste explorateur Leblond, quoi qu'ait pu écrire plus récemment les Moreau de jeunesse, les Noyers, les Carrés, les Saint-Amand et les Maltebrun. En dépit de l'opinion du commandant Frédéric Bouillet, l'attrayant historien de la Guyane, malgré les affirmations du docteur Crevaux, le bon public s'imagine que notre colonie n'est qu'un immense marais pestilentiel, infailliblement mortel pour tous les Européens. Interrogez les 9/10 des Français de la métropole, parlez-leur de Cayenne. Ces trois syllabes évoqueront dans leur esprit tout un monde de misère affreuse, de souffrances terribles, de maladies mortelles. Cayenne. Mais cette calomnie de l'ignorance est à ce point invétérée que le gigantesque ossuaire s'étendant au nord de Paris s'appelle le cimetière de Cayenne. Quelle injustice, quelle absurde méconnaissance de cette magnifique contrée à laquelle il ne manque plus qu'un peu de notoriété réelle pour devenir un des plus beaux joyaux de notre écrin colonial. C'en est hélas des personnes comme des pays. Combien de réputations surfaites, usurpées ou perdues grâce à de futiles incidents de la vie des hommes? Combien de pays frappés d'un irrémédiable discrédit imputable aux seules circonstances? On ne peut voir dans la Guyane personnifiée par Cayenne que le ghetto, où s'entassaient pêle-mêle, avec les tristes victimes de nos discordes civiles, les criminels que la société réprouvait et frappait. On ne lui tient aucun compte de son incomparable fertilité, de ses végétaux, de son or. La Guyane, c'est le séjour des maudits, l'enfer du bagne, le réceptacle de toutes les maladies. Mais l'Australie, cette possession anglaise dont la prospérité défie toute description, n'a-t-elle pas eu la même origine? Qu'importe à nos voisins le souvenir des transportés de Tyburn et de Botany Bay? Qu'importe le voisinage des convicts? N'en ont-ils pas moins improvisé, en quelques années, des villes comme Melbourne, Sydney, Brisbane, Adélaïde ou Perth? L'erreur et la vérité ne sauraient donc pas trouver d'équivalent en deçà ou en delà. Mais, objectera-t-on peut-être, passons sur les misères de la déportation et les ignominies de la transportation. De nombreuses tentatives ont été opérées depuis 2 siècles, dans le but de créer dans notre colonie de grands établissements et de lui donner, par conséquent, cette prospérité qui lui fait défaut. Et pourtant, toutes ces tentatives ont obtenu des résultats déplorables. J'en conviens volontiers. Aussi, mon intention est-elle de mettre sous les yeux du lecteur un exposé historique aussi rapide que complet. Il jugera par lui-même si les extravagances ou les exactions commises par la plupart des chefs ne devaient pas être suivies d'un succès complet, et si des revers, imputables aux hommes seuls, ont enlevé à la Guyane un centime de valeur. Je veux, tout d'abord, faire en quelques mots justice de cette opinion erronée relative à la salubrité. Les raisonnements sont ici superflus. Les chiffres parleront avec leur brutale éloquence. Les statistiques, appliquées aux seuls Européens, nous prouvent que le climat de la Guyane est le plus sain de toutes les colonies. En effet, les chiffres des moyennes annuelles, des décès dans les troupes tenant garnison en Guyane pendant les 30 dernières années, comparés à ceux des autres colonies, attestent la facilité d'acclimatation pour les Européens. Le tableau de la mortalité, inséré dans la revue coloniale, constate que la Guyane a 2,81% de décès, tandis que le Suriname et Demerara en ont 8,20, la Martinique 9,10 et le Sénégal 10,90. La moyenne de la Guyane est donc sensiblement la même que pour Paris, qui compte de 1854 à 1859 2,80 décès pour 100 et 2,43% de 1860 à 1868. Cette statistique est donc extrêmement favorable à notre colonie équatoriale. Les fièvres, qui revêtent rarement le caractère pernicieux, anémient profondément les sujets, mais ne les font pas mourir. La dysenterie est à peu près inconnue et la fièvre jaune, endémique dans les autres colonies, ne fit ici que de rares apparitions. Enfin, comme le dit excellemment le commandant Bouillet, de l'indéniable insalubrité de certains points de la Guyane, il serait injuste de conclure à l'insalubrité universelle et absolue du pays, comme il serait absurde de juger la France par la Sologne et l'Italie par les marais pontins. Il y a dans la Guyane des lieux insalubres et des lieux extrêmement sains. Il s'agit de borner la colonisation à ces derniers points et de n'attaquer les autres que partiellement avec une extrême réserve. Ne voyons-nous pas aujourd'hui la commune de Saint-Laurent, jadis infestée de marécages, qui en rendait le séjour dangereux, devenue, grâce à un procédé de défrichement admirablement compris et exécuté sur plus de 1500 hectares, un des points les plus salubres du territoire. Somme toute, on peut vivre en Guyane comme partout ailleurs. On y voit des vieillards dans toutes les classes de la société et dans toutes les couleurs. L'on peut constater de nombreux cas de longévité parmi les créoles et les Européens. Seuls les excès de toutes sortes sont, en raison de la chaleur, plus dangereux que partout ailleurs. Il ne faut jamais oublier que toute infraction aux règles de l'hygiène se paye tôt ou tard, que l'intempérance devient fatalement mortelle. Les enseignements de l'histoire ne sont pas moins concluants que ceux de la statistique. Si j'ai pu démontrer par des chiffres que le séjour de la zone équinoxiale est bien moins périlleux qu'on serait tenté de le croire, j'espère prouver aussi que toutes les tentatives de colonisation opérées antérieurement devaient aboutir à de lamentables échecs dont la colonie ne saurait aucunement encourir la responsabilité. L'histoire des commencements de la Guyane peut se résumer en quelques mots. Impéritie et cruauté des chefs, abus de pouvoir, révolte et exaction à l'égard des naturels. 6 expéditions furent tentées dans le courant du XVIIe siècle. Toutes finirent misérablement. La première fut organisée en 1604 à Rouen par le capitaine de la Ravardière qui débarqua dans l'île de Cayenne avec 30 émigrants, tous déclassés, la plupart sans aveu. Ils occupèrent sans difficulté le mont Sépérou, près duquel habitaient de courageux Caraïbes, qui menaient une existence absolument sauvage et ne vivaient que de chasse et de pêche. Ils firent bon accueil aux nouveaux venus, mais bientôt les émigrants, qui ne demandaient pas mieux que de vivre sans travailler, exigèrent des vivres des insulaires et voulurent les réduire en esclavage. Ceux-ci résistèrent énergiquement et en moins d'une année, les Français disparurent anéantis par la famine et la guerre. La seconde et la troisième expédition, tentées également par des marchands de Rouen, eurent le même sort, l'une en 1630, l'autre en 1633. Dépourvus de vivres et d'abris, les émigrants s'attaquaient aux Indiens qui, pour se défendre, se coalisèrent aux Anglais et aux Hollandais dont la possession de l'île excitait la convoitise. La plupart furent mangés par les Caraïbes. C'est de 1635 que date la fondation de Cayenne. En 1643, une nouvelle compagnie se forme à Rouen et obtient par lettre patente tout le pays compris entre l'Amazone et l'Orénoque, à la condition d'y créer des établissements et de le peupler. L'expédition, considérable pour l'époque, se composait de 300 émigrants, conduits par un fou furieux nommé Poncet de Bretigny. Bretigny, au lieu de chercher à conquérir les bonnes grâces des naturels, entreprise facile que les Anglais et les Hollandais avaient réalisée dès le début, les chassa des alentours du mont Sépérou pour s'y établir avec ses engagés. Peu après, ils voulurent réduire les Peaux-Rouges en esclavage, mais ils se défendirent vaillamment. Il les traqua comme des fauves et fit pendre ou brûler ceux qu'il put saisir. Non content de se priver ainsi d'alliés puissants qui eussent pu devenir des auxiliaires dévoués et fidèles, il n'est pas de torture que Bretigny n'ait infligé à ses propres compagnons. À peine nourris de mets répugnants parcimonieusement distribués, les malheureux travaillaient du matin au soir sous l'implacable soleil de l'équateur. La faute la plus légère était punie avec une férocité inouïe. Il avait une estampe de fer où les initiales de son nom étaient enlacées. Il la faisait rougir et marquait au milieu du front ou dans les paumes des mains ceux qui avaient transgressé ses ordres. Les engagés, à bout de patience, se révoltèrent le 4 mai 1644 et arrêtèrent leurs bourreaux. 120 s'enfuirent, moitié à Suriname, moitié au Brésil. Il fut remis en liberté au bout de 20 jours et réduisit de nouveau au désespoir les malheureux qui étaient restés à Cayenne. Ils se sauvèrent chez les Galibis, qu'ils accueillirent fraternellement. Quant à Bretigny, il fut tué par les Indiens auxquels il voulait faire payer l'hospitalité accordée par eux aux fugitifs. Tandis que les Français, mieux avisés cette fois, vivaient en paix chez les Indiens et s'unissaient à leurs filles, une nouvelle compagnie dite des 12 seigneurs ou de la France équinoxiale se formait à Paris. M. de Roiville, l'abbé de Marivaux et l'abbé de Laboulay, intendant de la marine, en furent les fondateurs. On rassembla 800 hommes. Un fonds de 8 000 écus d'or fut réuni et l'expédition partit de Paris le 18 mai 1652. Les commencements furent déplorables. L'abbé de Marivaux, qui commandait en chef, se noya dans la Seine en passant d'un bateau à un autre, et M. de Roiville, qui lui succéda, fut poignardé en mer par les seigneurs révoltés. Les engagés eurent à endurer dès leur arrivée les misères les plus dures, grâce à l'imprévoyance de la compagnie qui, comme ses devancières, n'avait pris de vivres que pour la traversée. Il y eut de nouvelles exactions contre les Indiens qui résistèrent avec leur vaillance accoutumée. Pour comble de malheur, la division se mit entre les seigneurs et l'un d'eux, Isambert, convaincu d'avoir comploté la mort du directeur, fut condamné à mort et décapité. Les Indiens de l'île, harcelés par les émigrants réduits à la plus affreuse disette, se réunirent à ceux du continent. Les colons se réfugièrent dans le fort, d'où la misère et les privations les chassèrent bientôt. Les derniers survivants s'enfuirent à Suriname. La colonie resta pendant 15 mois aux indigènes. Les Hollandais, trouvant la place libre, s'installèrent dans l'île de Cayenne sous le commandement de Guérin Springer pour le compte de la compagnie hollandaise d'Ostende. Ce chef habile et sage traita les Indiens avec douceur et put obtenir qu'ils s'éloignassent dans l'intérieur des terres. De 1654 à 1664, la colonie fut remarquablement prospère grâce au commerce des Hollandais et au travail des Blancs. Pendant cette période brillante, la seule que connut jusqu'alors la Guyane française devenue hollandaise et à laquelle la France n'avait hélas nullement collaboré, Colbert fondait en une seule compagnie, dite Compagnie royale des Indes occidentales, toutes ces sociétés rivales qui se nuisaient au lieu de s'entraider. M. de la Barre, aussi bon administrateur que marin intrépide, fut nommé gouverneur. Il arriva à Cayenne à la tête de 1200 hommes, avec l'ordre de chasser tout autre occupant. Les Hollandais capitulèrent en mai 1664. À l'exemple de Springer, de la Barre traita les Indiens avec douceur et sut donner à la colonie comme un regain de prospérité. Il revint malheureusement en France et laissa le commandement à son frère, M. de Lézy. Cet intérim ne fut pas heureux. La colonie fut ravagée par les Anglais pendant que M. de Lézy était à Suriname. Le père Morlaix, curé de Cayenne, sauva par son énergie les débris de notre malheureuse possession. M. de la Barre revient en 1668, repart en 1670 et confie pour la seconde fois l'intérim à son frère. Cette seconde absence du titulaire est plus désastreuse encore que la première. Les Hollandais, qui avaient déjà possédé Cayenne et apprécié sa richesse, caressaient l'espoir de découvrir les mines d'or dont les Indiens leur avaient assuré l'existence. Ils s'en emparent le 5 mai 1676 et travaillent avec activité à augmenter les travaux de défense. C'est en vain qu'ils fortifient Rémire, l'entrée des rivières d'Apouague, de Sinnamarie et d'Oyapock. L'amiral d'Estré apparaît dans les eaux de la Guyane et inflige à l'ennemi une sanglante défaite en dépit de sa résistance acharnée. Louis XIV fit consacrer ce brillant fait d'armes par une médaille dont l'exergue porte « Guyana Recuperata 1676 » et qui se voit aujourd'hui à Paris au cabinet des médailles. La colonie redevenue française s'acheminait vers une grande prospérité quand un marin français nommé Ducasse y relâcha en 1688 en vue d'aller surprendre Suriname. Sous la promesse de livrer au pillage cette colonie, il engagea la plus grande partie des habitants à s'embarquer avec lui. Il s'empara, à l'embouchure de la rivière de Suriname, d'une patache qui veillait pour annoncer l'approche de l'ennemi. Au lieu de profiter de cet avantage pour tomber à l'improviste sur la ville, il perdit un temps précieux et les Hollandais, avertis, purent se mettre en état de défense. Il perdit beaucoup de monde et fut forcé finalement de battre en retraite. Ducasse, après cet échec, fila aux Antilles, où les colons qui avaient échappé à la mort se fixèrent pour toujours. La Guyane perdait dans cette malheureuse expédition sa population et sa richesse. Tel est le triste bilan de la colonie pour le XVIIe siècle. En dépit de tous les efforts, ce malheureux pays ne comptait plus, en 1700, que 400 blancs et environ 1500 noirs. Les causes de pareils insuccès ne sont hélas que trop faciles à définir. Les concessions faites à des associations pauvres, incapables de peupler et de se défendre, la mésintelligence des chefs, l'imprévoyance des organisateurs et les procédés indignes employés envers les indigènes que l'on réduisait en esclavage. Mais nous ne sommes pas au bout. Les revers éprouvés pendant cette période ne sont rien. En comparaison de cette folle équipée, où plus de 10 000 personnes périrent, et qui est connu sous le nom de désastre de Kourou. Un siècle avait été perdu dans de stériles essais de colonisation. En 1700, tout était à organiser. Les affaires restèrent malheureusement dans ce statu quo déplorable. La revanche de Cassard en 1713 ne répara pas les dommages causés par l'équipée de Ducasse, et les désastres de la fin du règne de Louis XIV portèrent le dernier coup. La Guyane se vit enlever par le traité d'Utrecht en 1713 le rivage de l'Amazone, et sa limite fut reculée de près de 80 lieues dans le nord. De 1713 à 1763, la colonie continue à végéter sans nul incident remarquable. En 1716, la culture du café est introduite à Cayenne au moyen de quelques plants de caféiers dérobés à Suriname par un déserteur français. Cet homme, bravant la peine de mort édictée par les Hollandais contre quiconque enfreindrait la défense relative au transport des plants de caféiers, obtint sa grâce en récompense de cette précieuse acquisition. Le gouvernement français, voulant, en 1763, réparer la perte du Canada, résolut l'expédition de Kourou. On prétendait doter la Guyane d'une population européenne. Cette entreprise devait avoir le sort de toutes les autres par la même absence de vue et de combinaison. Mais, comme elle est la plus désastreuse de toutes les expéditions tentées en Guyane, et qu'elle lui a fait surtout une réputation imméritée d'insalubrité, il est utile d'entrer dans quelques détails afin d'apprécier qui de l'homme ou de la nature doit être responsable de la catastrophe. L'entreprise fut décidée sous les conseils du chevalier Turgot, officier général des armées. Il sut intéresser le duc de Choiseul, alors ministre de la Marine et de la Guerre, en lui faisant entrevoir cette colonisation comme un moyen d'assurer à sa famille une immense fortune. Aussi, le premier acte du gouvernement fut, tout naturellement, la concession au duc de Choiseul et de Choiseul-Pralin de toutes les terres comprises entre les rivières de Kourou et du Maroni. C'était environ 120 km de littoral, hypothéqué par ces nobles personnages sur les brouillards de l'Équateur. M. de Turgot, nommé gouverneur en 1763, prit comme intendant M. de Chamballon, ancien membre du Conseil supérieur de la Martinique. Il poussa les préparatifs avec activité et se mit en devoir de faire construire avant tout des abris pour 12 000 personnes. Il s'adjoignit à cet effet M. de Préfontaine, ancien officier, propriétaire depuis 20 ans à Kourou. Les inconcevables lenteurs du ministère retardèrent de 4 mois l'arrivée à Cayenne de ce colon expérimenté. Les autorités de la colonie lui suscitèrent en outre une série de difficultés qui enrayèrent à ce point sa mission préparatoire que lors de l'arrivée d'un convoi de 600 émigrants, on disposait à peine de quelques cases. Il fallut abriter ces colons sous des tentes. Les fièvres se déclarèrent. L'on était sans hôpital et sans service médical. Ces faits se passaient en septembre 1763. Chamballon, immobilisé aussi à Paris par les tracasseries administratives, s'embarqua le 14 novembre avec 1429 émigrants. Il ignorait les entraves apportées aux travaux de Préfontaine et croyait que tout était prêt. Il arriva à Cayenne le 22 décembre. Le débarquement s'opéra avec une excessive lenteur. Les passagers furent parqués sous des hangars. Le transport à Kourou présentait en outre 1000 difficultés. La colonie n'avait ni bateau ni pilote, bien que le ministère, connaissant ce dénuement, eût ordonné formellement aux autorités de Cayenne de faire préparer des embarcations. Celles-ci résistèrent avec une inqualifiable inertie. Le transport s'opéra enfin sur un petit brigantin. En février 1764, M. de Chamballon apprit au milieu de ses difficultés l'arrivée d'un navire portant 413 individus. Il courut au camp. L'hôpital regorgeait de malades gisant sur le sable, sans autre abri que des lambeaux de toile, presque sans secours. On était en pleine saison des pluies. L'intendant se convainquit de l'impossibilité de faire face à ce surcroît de population. Et pourtant, il ne devait pas recevoir de nouveaux passagers avant que ses lettres n'aient donné avis au ministère que tout était prêt. Il avait compté sur les nouveaux arrivants pour achever les préparatifs, mais ceux-ci refusèrent tout travail et s'occupèrent pendant plusieurs mois à des simulacres de banquets et de comédies. Le convoi arriva le 19 mars 1764, annonçant la venue de 2 000 personnes, hommes, femmes et enfants pour le mois suivant. On devine quelles furent à cette nouvelle les poignantes anxiétés de l'intendant. Le dénuement était complet à Kourou. bien que les îles du diable fussent encombrées par le convoi précédent, il fallut les y entasser. Pour comble de malheur, ils se mutinèrent. Il écrivit au ministre pour suspendre les départs. Ces lettres ne partirent pas ou arrivèrent trop tard. Les arrivées continuèrent pendant les mois de mai, juin, juillet et août. 12 000 personnes, disent les uns, 13 000 disent les autres, étaient alors empilées à Kourou. Il est d'ailleurs impossible de préciser, car la confusion devint telle que l'on perd la trace des derniers convois. Pour comble de malheur, la peste déclara et emporta ceux que les fièvres avaient épargnés. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela, quand on sait que 300-400 personnes logeaient ensemble sous des hangars boueux, perméables au soleil comme à la pluie, et que la nourriture et les médicaments faisaient absolument défaut? 10 000 personnes périrent, et 2 000 à peine purent revenir en France. 30 millions avaient été dépensés en pure perte. Ce drame lugubre avait duré un an. Ainsi finit cette expédition, formée de gens de toutes classes, artisans, employés civils et militaires, comédiens, soi-disant capitalistes, gens du monde en quête d'aventure, musiciens, etc. La faute essentielle fut de fonder une colonie de consommateurs. Alors que l'on savait que la Guyane possédait seulement quelques habitants pauvres et disséminés sur un territoire immense, de transporter cette foule énorme sur une plage inculte, sans soins, sans abri, et de ne lui donner que des aliments avariés venus d'Europe qui engendrèrent des maladies contagieuses. Et maintenant que le lecteur veuille bien faire la part des responsabilités et dire si le désastre est imputable à l'impéritie des hommes ou à la prétendue insalubrité du climat. Il fallait un homme de génie pour relever la colonie que l'on regardait comme perdue. Le gouvernement eut pour une fois la main heureuse en choisissant M. Molouet, qui fut envoyé en Guyane comme ordonnateur en 1776. Aidé de l'ingénieur Guizan, M. Malouet, le plus éminent fonctionnaire que la Guyane ait jamais possédé, fit fleurir une ère de prospérité qui dura près de 20 années. Dessèchement de marais, canalisation, drainage, assainissement, construction, toutes les innovations heureuses datent de cette brillante administration. La Révolution française allait avoir bientôt sa répercussion au-delà de l'Atlantique. Moins d'une année après ce grand acte de réparation qui s'appelle l'abolition de l'esclavage, et que la Convention écrivit en lettres d'or en tête de ses décrets, parut l'arrêté du 12 Germinal en 4, le 1er avril 1795, qui condamnait à la déportation Barère, Badier, Collot d'Herbois et Biot-Varennes. Les deux premiers s'échappèrent et les deux autres furent envoyés en Guyane. Le 18 Fructidor en 5, le 4 septembre 1797, le Directoire chasse les deux conseils et condamne à la déportation 516 de ses ennemis politiques, presque tous députés, nobles, journalistes, prêtres ou généraux. 180 réussirent à s'échapper, les 330 qui restaient furent envoyés en Guyane et internés à Connamana et Sinnamary. Les jours néfastes de Kourou allaient renaître, éclairant des scènes lugubres, des souffrances mortelles. Ces 330 déportés, traités en France comme des malfaiteurs, furent enfuis à leur départ de Rochefort dans l'entrepont des navires. Pendant les heures douloureuses d'une insurmontable traversée, ils éprouvèrent les déchirements de la faim, les cuisantes ardeurs de la soif. À leur arrivée en rade de Cayenne, plusieurs étaient morts. Un grand nombre furent débarqués mourants et conduits d'urgence aux hôpitaux, et 161 succombèrent aux suites de la nostalgie et des privations endurées antérieurement. Quelques-uns, parmi lesquels Pichegru, Ramel, Barthélémy, Villatte, Aubry d'Haussonville, Delarue, Le Tellier, s'évadèrent et gagnèrent les États-Unis. Barbet Marbois et Lafont Ladébat obtinrent leur appel en France. Il n'est pas étonnant que de semblables tortures endurées pendant la traversée et couronnées par l'internement en Guyane aient aigri les caractères les mieux trempés, qu'ils aient gardé un triste et douloureux souvenir des plages équinoxiales et que l'amertume déborde leur récit quand ils parlent du lieu de leur souffrance. M. Barbet Marbois, entre autres, fut l'ennemi le plus opiniâtre de la Guyane, et ses affirmations, formulées du haut de la tribune de la Chambre des Pairs, eurent une grande influence sur les jugements de ses contemporains. Quoi qu'il en soit, il importe de distinguer que le but du Directoire n'était pas la colonisation. Si les effets des terribles mesures qu'il édicta furent désastreux, on n'en saurait imputer les causes au climat. 90 ans ont passé sur ces misères. la situation s'est bien améliorée, quoique l'idéal soit loin d'être atteint. Mais on est toujours en droit de se demander pourquoi ni le temps, ni l'expérience n'ont pu détruire complètement encore cette réputation d'insalubrité si profondément imméritée. J'ai voulu à mon tour combattre cet injuste préjugé et contribuer dans la limite de mes moyens à la réhabilitation de ce pays méconnu que j'aime et dont j'ai pu apprécier l'opulence et la beauté. Puisse ma faible voix être entendue. Puissais-je ainsi ajouter une pierre à l'édifice que construisent là-bas ces vaillants qui travaillent et espèrent. Ce sera la plus belle récompense d'un obscur citoyen qui n'a d'autre objectif qu'un ardent patriotisme.